On va parler de hockey senior. Samedi soir, belle victoire des Constructions de l'Avenir pour remporter les grands honneurs dans cette série 4 à 0. On a parlé avec le défenseur Billy Ménard. Là, maintenant, on va parler avec l'instructeur-chef Sylvain Bonneau. Salut Sylvain. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Félicitations Sylvain. Ça n'a pas été, ça a quand même pas été une année facile. Donc, avec toute la COVID et ainsi de suite. Donc, de remporter les grands honneurs, ça doit être le fun pas mal pour l'équipe. Oui, très apprécié et les joueurs ont super bien performé. On était capable de tout revenir en force après la COVID. C'est que on est très content du résultat. Qu'est-ce qui a fait la différence pour remporter ces grands honneurs? La différence, c'était l'équipe, la manière que les joueurs se sont comportés, okay. Comment ils ont travaillé. C'est plus là que je le vois, parce que les deux équipes étaient sensiblement de même calibre, mais les petites différences étaient peut-être plus dans l'acharnement sur le travail que les joueurs ont apporté. OK. Évidemment, vous avez quand même une très, très bonne formation année après année. Vous avez une bonne organisation. Ça avait passé proche les dernières années. Malheureusement, je pense que c'était deux fois en finale que vous avez perdu. Donc, certainement que vous... c'est un soulagement également pour l'équipe, là, aussi, là. Oui, c'est sûr que les deux années précédentes qu'on avait perdu en septième match, c'est sûr qu'on ne voulait pas revivre ça. L'important, c'était de commencer la série en force. Je ne m'attendais pas à un résultat de 4-0. Okay. Vu que les deux équipes étaient quand même très similaires au niveau de défensif puis de l'offensive. Je m'attendais pas à un scénario comme ça à 4-0, mais les joueurs étaient tellement focus tout le long des séries qu'on n'a jamais donné une chance à Québec d'être dans le coup. Les deux victoires à Wendake, ça a fait pas mal la différence aussi, là. Ça doit augmenter le niveau de confiance d'une équipe quand tu vas gagner deux fois à l'étranger. Oui, puis surtout qu'on n'arrivait pas avec trop de joueurs. On arrivait avec trois lignes, quatre ou cinq défenseurs. On n'arrivait pas avec un full line-up de 20 joueurs. Mais les joueurs étaient tout le temps ceux qui vivent, tout le temps, ils répondaient bien. Ça a super bien été ces deux matchs-là. Ça nous a donné une bonne élan. OK. Est-ce que ça va être plus facile garder le noyau, garder l'équipe intacte si la Ligue revient? C'est toujours une question, c'est une Ligue très, très, très, très fragile. Donc, penses-tu que ça va être quand même, lorsqu'on a une bonne organisation de main, c'est toujours plus facile, hein? Oui, c'est plus facile, mais on sait déjà que j'avais des joueurs qui nous avaient mentionné que c'était leur dernière saison. Okay. Dans le cas de Maxime Mathieu, qui voulait faire une dernière saison, puis une première dans notre ligue, mais une dernière au hockey organisée, okay. De calibre. Après ça, j'en ai une coupe aussi là qui nous ont annoncé ça, mais souvent, durant l'été, ouais. Ça change. Ouais. Ça change souvent. OK. Dis-moi, toi, tu veux survenir? Nous autres, présentement, l'organisation est encore là, on attend la réunion de la Ligue, qu'on veut qu'il se fasse rapidement pour savoir le nombre d'équipes qui vont être là. Okay. À partir de là, ben, on va faire encore notre travail. Si on a encore quatre équipes ou cinq ou six équipes, ben, okay. On va faire notre travail pour que l'équipe soit encore là. La COVID, ça n'a pas été facile, hein, j'imagine, pour garder le focus, garder l'entraînement et ainsi de suite. Hein? Non, c'est pas évident. On a joué souvent avec les aliments, puis souvent on arrivait une fin de semaine, puis le samedi matin, il manquait un gars parce qu'il était déclaré COVID. Ouais. Mais on a fait avec ça. OK. Mais toutes les équipes étaient avec ça. Ben étaient pognées avec ça. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Donc, bravo, Sylvain. Bravo, félicitations. On peut au plaisir de se parler encore une fois. Ben, je vous remercie beaucoup. Puis voilà. Je remercie beaucoup nos supporters qui ont été là, qui ont été fidèles toute l'année. Oui, c'est une bonne organisation. Oui, c'est vraiment plaisant de jouer au hockey à Delbeau. Puis les joueurs l'ont tout dit, puis même tous les joueurs de la Ligue puis toutes les autres organisations, ils ont tout le temps dit qu'à Delbeau, c'est vraiment plaisant d'être là. Ben, en fait, c'est l'endroit qui a le plus de monde. Pas compliqué, là, dans la ligue, pas mal, Oui, hein? c'est ça. Fait Oh oui. que, tu sais, quand tu joues devant 4, 5, 600 personnes, ben, ça l'aide aussi, de pas mal. Oui, ça Ouais. l'aide beaucoup. Fait que, Sylvain, bon été, puis au plaisir de se parler tantôt. Merci. Bonjour. Instructeur-chef des constructions de l'avenir, Sylvain.